le poste d'écoute. Je suis aveugle.

quand ça, après la pause? C'était la question que vous vous posiez. Et il y a du June aussi. Restez là. Yeah.